La communauté internationale admire la puissance invincible du Parti travailleur de Corée, qui continue fermement l'idéal et les traditions de l'Union pour abattre l'impérialisme. Le chef du cercle d'études des études jutsu de Moscou, Russie, a dit que le président Kim Il-sung s'est décidé à commencer la lutte de libération nationale anti-japonaise en s'appuyant sur les masses populaires et a constitué le 17 octobre 1926 l'Union pour abattre l'impérialisme. Le président de l'Organisation thaïlandaise d'études des études jutsu a souligné que l'Union pour abattre l'impérialisme est la racine historique du Parti travailleur de Corée. Le Comité national nigérien pour l'étude du kim-il-sungisme et kim-jong-lisme et le Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen séjournant au Nigeria ont inséré dans leur page internet des écrits pour souligner que les avant-gardistes de la nouvelle génération formée par l'Union pour abattre l'impérialisme ont constitué l'ossature pour la fondation du parti et que le programme de l'Union pour abattre l'impérialisme a servi de base fondamentale du programme du Parti travailleur de Corée fondé le 10 octobre 1945. Le président de l'Association britannique d'études de la politique de Sun-gun et le titulaire de chaire de la faculté de politologie de l'Université de Damas-Syrie ont souligné l'invincibilité du Parti travailleur de Corée qui continue parfaitement les grandes traditions de l'Union pour abattre l'impérialisme.